Je m'appelle Méziane Aban, je suis défenseur des droits humains algériens, donc je viens de l'Algérie. Je suis aussi journaliste de profession et blogueur de passion. Je suis invité, peut-être que c'est les organisations régionales qui m'ont suggéré. Ravi d'être ici, surtout en sachant que la première édition a eu lieu aussi à Paris il y a de cela 20 ans. Donc être invité dans un événement aussi important qu'est le sommet des défenseurs des droits humains 20 ans après pour la deuxième édition est un grand honneur. Nous sommes là en première journée, donc j'ai écouté certaines interventions de mes frères et sœurs qui sont venus un peu de partout, notamment d'Afrique. Des interventions très intéressantes qui racontent un peu le vécu des défenseurs des droits humains dans le monde. J'ai entendu des gens dire que dans leur propre pays, ils sont qualifiés de traîtres, d'agents de l'étranger, et qu'ils vivent des situations très difficiles, parfois emprisonnés, détenus, assassinés. Moi, je veux juste leur dire que nous vivons aussi la même situation en Algérie, où il y a actuellement même, au moment où je ne sais même pas comment je suis arrivé ici, parce que j'étais dans la liste des gens qui devaient être interpellés. Mais beaucoup de mes camarades, qu'ils soient confrères ou consoeurs, des journalistes, sont actuellement présents, des artistes, des footballeurs, des gens qui inquiètent, des blogueurs, des défenseurs des droits humains aussi. Et la situation inquiète, comme je l'ai senti aussi auprès des défenseurs des droits humains qui ont intervenu aujourd'hui, c'est la même situation en Algérie. J'espère aussi faire donc faire des belles rencontres ici et on verra ce que va donner le sommet au final. Merci.